Sebe Armonte. J'adore. Wow. He's actually playing guitar. His gem is shown in one of those pages. So, you have to show yourself. We'll be right back. Sergi. Run away. Sergi se fue. Ma faute, c'est nul, pardon. C'est ma faute. Thank you. expliquer autre chose. Alors, je propose que je demande à Playbox, parce que c'est notre copain, qu'il me dise un truc et qu'on l'écoute pas. Donc il dit si bémol, et on va l'écouter. Parce que c'est un demi-ton, ça va, on va avoir l'impression qu'il y a un changement. Mais on va pas faire les accords qu'il nous propose, on va faire notre sauce.